31e chapitre. Comment ils se rendirent à l'église. Ma cotte de maille me refroidit tellement, dit Folker, que je pense que la nuit ne durera plus très longtemps. Je sens à la fraîcheur de l'air qu'il sera bientôt jour. Ils éveillèrent leurs compagnons qui dormaient encore. Le matin brillant vint éclairer les étrangers dans la salle. Hagen commença d'éveiller tous les chevaliers afin de leur permettre de se rendre à l'église pour la messe. On se mit à faire résonner au loin les cloches suivant les usages chrétiens. Des chants discordants se faisaient entendre, ce qui montrait bien la séparation qui existait entre chrétiens et païens. Les hommes de Gunther voulaient se rendre à l'église, tous s'étaient levés en même temps de leur couche. Les guerriers s'avancèrent en costumes si magnifiques que jamais héros ne portèrent le plus beau vêtement. Cela affligea Hagen. Il dit « Héros, il faut ici revêtir d'autres habits, car vous êtes suffisamment avertis. Au lieu de roses, il vous faut porter des armes à la main. Au lieu de chaperons ornés de pierreries, vos bons casques bien polis, car nous connaissons les dispositions hostiles de Dame Krimhild. Il nous faudra combattre aujourd'hui, je veux que vous le sachiez. Au lieu de chemises de soie, portez de bons hauberts et en place de riches manteaux, vos forts et larges boucliers, afin que si quelqu'un vous attaque, vous soyez en bon état de défense. Mes chers seigneurs et vous, parents et fidèles, allez de bon cœur à l'église et gémissez auprès de Dieu sur vos soucis et sur votre détresse, car soyez certains que pour nous la mort approche. N'oubliez pas le mal que vous avez fait et tenez-vous, en présence de Dieu, humbles et suppliants. Je veux vous en avertir, très illustres guerriers, si le Dieu du ciel ne nous sauve, vous n'entendrez plus jamais la messe. » Les princes et leurs hommes se dirigèrent vers l'église. Hagen le Hardi les fit arrêter sur le champ sacré du repos, afin qu'ils ne se séparassent point, et il leur dit « Nul ne sait encore ce qui nous arrivera de la part des Jonen. Déposez, mes amis, vos boucliers à vos pieds, et si quelqu'un vous fait un salut hostile, répondez-lui par de profondes blessures. Voilà le conseil de Hagen, et on apprendra ainsi que vous savez vous conduire d'une façon digne de louange. » Folker et Hagen allèrent tous deux se placer devant la vaste église. Ils agissaient ainsi parce qu'ils savaient que la femme du roi serait obligée de passer tout près d'eux. Leur âme était en proie à la fureur. Voici venir le souverain du pays et aussi sa belle femme. Leur personne était revêtue de riches vêtements, ainsi que les guerriers rapides qu'on voyait marcher à leur suite. Les escadrons de Krimhild soulevaient la poussière. Quand le puissant roi vit les rois et leurs hommes tous armés, il s'écria aussitôt « Comment se fait-il que je vois mes amis marcher le haut en tête? Sur ma foi, cela m'afflige. Quelqu'un vous a-t-il offensé? J'en ferai amende honorable de la façon qui vous paraîtra bonne. Quelqu'un vous a-t-il affligé le cœur ou l'âme? Je lui ferai bien sentir que j'en ai grand regret. Quoi que vous demandiez, je suis prête à vous l'accorder. » Hagen répondit à ces paroles. « Nul ne nous a rien fait, mais c'est la coutume de mes maîtres de rester à toutes les fêtes armés durant 3 jours. Si l'on nous faisait quelque offense, nous en avertirions Hetzel. » Krimhild entendit très bien ce que dit Hagen, comme elle le regarda haineusement dans les yeux. Pourtant, elle ne voulut pas dire quelle était la coutume de son pays, quoiqu'elle l'eût connue si longtemps parmi les Burgondes. Quelque furieuse et quelque violente que fût sa haine contre ses héros, si quelqu'un eût dit la vérité à Hetzel, il aurait pu empêcher ce qui arriva depuis, mais par trop grand orgueil, nul ne voulait la lui avouer. Une grande foule accompagnait la reine, et nos deux compagnons ne voulurent pas céder la place de la largeur de 2 mains. Cela peina les Yunen. Elle fut forcée de froisser en passant les guerriers très valeureux. Cela ne plut pas aux camériers d'Hetzel. Ils auraient provoqué la fureur des deux héros s'ils l'avaient osé devant le noble roi. On se pressa beaucoup dans la foule, mais il n'y eut rien de plus. Quand le service divin fut terminé et qu'on voulut partir, un grand nombre de Yunen arrivèrent à cheval. À côté de Krimhild, on voyait maintes belles vierges, et au moins 7 000 chevaliers chevauchaient près de la reine. Krimhild était assise avec ses femmes à la fenêtre, à côté d'Hetzel. Cela plaisait au roi. Elle voulait voir chevaucher les héros très adroits. Oh, que de guerriers étrangers passaient devant elle, à cheval dans la cour. Le maréchal était arrivé avec ses varlets. Dankwart, le très hardi, avait pris avec lui toute la suite de ses maîtres, venus du pays Burgonde. On admira les selles que portaient les chevaux des Nibelungen. Les rois et leurs fidèles étaient venus à cheval. Volker le Fort se mit à leur conseiller de faire un tournoi suivant les us de leur pays. Les guerriers se livrèrent alors à de brillantes passes d'armes. Ils ne se repentirent pas des conseils du héros. Le choc et le vacarme des lances devinrent très grands. Dans la vaste cour, maints chevaliers se réunirent. Etzel et Kriemhild se mirent aussi à regarder. 600 guerriers vinrent au tournoi à l'encontre des étrangers. C'étaient les hommes de Dietrich. Ils voulaient se divertir avec les Burgondes, comme ils l'eussent fait avec plaisir s'il le leur avait permis. Ah, que de bons chevaliers étaient venus avec eux! On avertit le seigneur Dietrich, et il défendit aux siens de jouter avec les Burgondes. Il craignait pour eux, et ce lui était un grand souci. Quand les hommes de Vérone furent partis, voici venir ceux de Berlaren, les fidèles de Rudiger, au nombre de 500, qui, couverts de leurs boucliers, chevauchent devant la salle. Mais le margrave désirait qu'ils évitassent les passes d'armes. Il s'avança prudemment vers sa troupe et dit à ses hommes qu'il pouvait bien s'apercevoir que les guerriers de Gunther étaient de sombre humeur et qu'il lui ferait plaisir en renonçant au tournoi. Quand ces braves héros se furent retirés, ceux de Düringen, ainsi qu'on nous l'a dit, et ceux du Tänemark s'avancèrent en nombre d'au moins 1000 hommes hardis. On vit sous les coups voler en éclats les tronçons des lances. Irnfrid et Havart chevauchèrent dans la joute. Ceux du Rhin luttèrent fièrement contre eux. Ils poussèrent main coup de lance à ceux du Düringenland. Plus d'un magnifique bouclier fut percé à jour. Voici venir Sir Blood avec 3000 hommes des siens. Etzel et Kriemhild les aperçurent aussitôt, car ces jeux chevaleresques avaient lieu devant eux. La reine les voyait venir avec plaisir, par haine des Burgondes. Elle pensait en elle-même, et c'est ce qui arriva plus tard. S'ils font offense à quelqu'un, je puis bien espérer que le combat commencera. Alors je pourrai me venger de mes ennemis, et dès ce moment mes soucis prendront fin. Schruntan et Gibek, Ramunk et Hornbog chevauchèrent dans le tournoi suivant les us des Yunnen. Ils tinrent tête aux héros du pays Burgonde. Les éclats des lances volèrent au-dessus du mur de la salle du roi. Quoique fissent les adversaires des guerriers de Gunther, ce n'était que du fracas. On entendait le bruit du choc des boucliers retentir au loin dans le palais et dans la salle. Ils acquirent là grande gloire et grand honneur. Les jeux étaient si animés et si ardents qu'à travers les carapaçons, l'écume blanche découlait des bons coursiers que montaient ces héros. Ils joutèrent contre les Yunnen de la façon la plus courtoise. Alors le brave Volker, le noble ménestrel, parla. « Je crois que ces guerriers n'oseraient point tenir devant nous. J'ai entendu dire qu'ils nous haïssaient. Jamais plus belle occasion ne peut s'offrir à eux. Maintenant, ajouta Volker, il faut faire conduire nos chevaux en nos logements, puis revenir chevaucher vers le soir, quand il en sera temps. Peut-être qu'alors la reine accordera la palme aux Burgondes. » Voilà qu'il voit s'avancer un chevalier plus beau qu'aucun des Yunnen qui avait paru jusqu'alors. Certes, il devait y avoir là en ce moment la bien-aimée de son cœur. Il marchait si magnifiquement vêtu qu'on eût dit un noble fiancé. Volker parla. « Non, je ne puis y résister. Ce chéri des dames doit sentir ma lance. Nul ne peut l'empêcher. Il y va de sa vie. Je m'inquiète peu de la colère de la femme du roi Etzel. Non, pour l'amour de moi !» dit aussitôt Gunther. Les gens nous le reprocheront si nous sommes les assaillants. Laissez commencer les Yunnen, cela vaudra beaucoup mieux. Le roi Etzel était toujours assis auprès de la reine. Je veux augmenter la mêlée, dit Hagen. Faisons voir aux femmes et aux guerriers comment nous savons chevaucher, et cela sera bien fait, car aussi bien on n'accordera nulle louange aux fidèles de Gunther. Volker, le très rapide, rentra de nouveau dans l'arène et causa ainsi grande affliction à maintes femmes. Il poussa sa lance à travers le corps du riche champion des Yunnen. Aussitôt on vit pleurer maintes vierges et maintes dames. Hagen et ses hommes, au nombre de 60, s'élancèrent en toute hâte vers Volker, là où les joutes avaient lieu. Etzel et Kriemhild voyaient très bien tout cela. Les trois rois ne voulurent point laisser le hardi ménestrel sans secours parmi les ennemis. 1000 de leurs guerriers arrivèrent, chevauchant avec adresse et faisant tout ce qu'ils voulaient de la façon la plus courtoise. Quand le riche Yun fut frappé mortellement, on entendit ses parents crier et gémir. Toute la suite demanda « Qui a fait cela ?»« C'est le joueur de viol, Volker, l'audacieux ménestrel. » Les parents du margrave du Jünenland réclamaient à grands cris leurs épées et leurs boucliers. Ils voulaient tuer Volker. De la fenêtre, le roi suivait avec anxiété tout ce qui se passait. De toutes parts, on entendit les Jünen pousser de grandes clameurs. Les rois et leurs suites mirent pied à terre devant la salle, et les guerriers burgondes poussèrent les chevaux de côté. Mais voici le roi Etzel qui sépare les deux troupes. Il arrache une épée acérée des mains d'un de ses parents d'entre les Jünen, et, la brandissant, il les écarte tous. Sa colère était grande. « Oh, comme je perdrais l'affection de ces héros si vous tuiez ici ce noble ménestrel !» s'écria le roi Etzel. « Ce serait très mal agir. J'ai bien vu comment il a couru quand il a tué ce Jün. Cela est arrivé sans sa faute, par suite de ce que le cheval a bronché. Il faut laisser mes hôtes en paix. » Et il le reconduisit lui-même. On mena les chevaux vers les logements où m'invalaient les pansères avec zèle et avec de grands soins. Le roi se rendit au palais avec ses amis et il contint sévèrement toutes les haines. On dressa les tables et on leur apporta de l'eau. Ceux du Rhin avaient un grand nombre de forts ennemis. Quoique Etzel s'en affligeât, on vit maintes troupes armées se presser avec impétuosité sur les pas des princes au moment où ils se rendirent à table. C'était par haine de ces étrangers. Ils voulaient venger leurs parents si l'occasion s'en présentait. « D'aimer mieux manger avec que sans vos armes, » dit le chef du pays. « La discourtoisie est déjà trop grande. » Mais si l'un de vous fait la moindre offense à mes hôtes, il y va de sa tête. Vous, Yunen, sachez cela. » Avant que les seigneurs furent assis, un long temps s'écoula. De grands soucis agitaient Kriemhild. Elle dit « Prince de Vérone, je vous demande avis, secours et dévouement. Je suis dans une situation pleine d'angoisse. » Hildebrand, ce guerrier digne de louange, répondit « Celui qui frappera les Nibelungen le fera sans mon concours. » Nul trésor ne m'y déterminerait. Au reste, il lui en arriverait malheur, car ces guerriers agiles et adroits n'ont pas encore été vaincus. » Elle reprit. « Oh, Hagen m'a si grandement offensé. Il assassina Siegfried, mon époux chéri. Tout mon or serait à celui qui le séparerait de ses compagnons. Mais si quelque autre en pâtissait, j'en aurais une grande affliction. » Maître Hildebrand parla. « Comment pourrait-on arriver à le tuer à côté des siens ? Il vous est facile de voir que si l'on attaquait ce héros, il s'élèverait aussitôt un combat si terrible que riches et pauvres devraient y périr. » Le sire Dietrich, animé de nobles sentiments, ajouta « Cessez ce discours, noble reine. Vos parents ne m'ont fait nulle offense qui pût me pousser à engager le combat avec ces vaillants guerriers. Cette demande vous honore peu, noble femme d'un roi. Il est mal de vouloir enlever la vie à vos parents. Ils sont venus en toute confiance dans ce pays. » Siegfried ne sera pas vengé par la main de Dietrich. » Ne pouvant trouver nulle déloyauté dans le Véronais, elle promit aussitôt de remettre aux mains de Blöde une vaste marche que possédait jadis Nuodunk. Bientôt Dankwart, en le tuant, lui en fit oublier le don. Elle dit « Vous viendrez à mon aide, seigneur Blöde. Mes ennemis, ceux qui ont assassiné Siegfried, mon époux chéri, sont dans cette demeure. À celui qui m'aidera à me venger, je serai toujours obligée. » Blöde lui répondit « Ô dame, vous savez bien qu'à cause d'Etzel, je ne puis satisfaire votre haine, car il est très attaché à vos parents. Si je leur faisais quelque mal, la colère du roi tomberait sur moi. » « Oh que non, seigneur Blöde, je vous serai toujours dévoué. Je vous donnerai pour récompense de l'or et de l'argent, et une belle femme, la veuve de Nuodunk. Vous aurez plaisir à caresser sa personne digne d'amour, et avec elle, je vous donnerai tout le bien, les terres et les bourgs. Si vous obtenez la marche où siège Nuodunk, vous pourrez, noble chevalier, vivre toujours dans les plaisirs. J'accomplirai fidèlement tout ce que je vous promets aujourd'hui. » Quand le seigneur Blöde connut la récompense, cette dame lui plaisante à cause de sa beauté, il se prépara à obtenir la femme charmante en combattant. Mais le guerrier devait perdre la vie dans cette entreprise. Il dit à la reine, « Rentrez dans la salle. Avant que personne puisse s'en douter, je provoquerai une lutte. Il faut que Hagen expie le mal qu'il vous a fait. Je vous livrerai lié l'homme liege du roi Gunther. Maintenant, vous tous qui êtes à moi, armez-vous !» s'écria Blood. « Nous irons trouver nos ennemis dans leur logis. La femme d'Etzel l'exige de moi. C'est pourquoi, ô héros, nous devons tous exposer notre vie. » La reine, quittant Blood, prête à combattre, alla à la table avec Etzel et avec ses hommes. Elle avait préparé une terrible trahison contre les étrangers. Je veux vous dire comment elle se rendit au banquet. On voyait des rois puissants la précéder, portant la couronne, puis main aux princes et d'illustres guerriers rendre de grands honneurs à la reine. Le roi fit donner des sièges dans la salle à tous ses hôtes, plaçant près de lui les meilleurs et les plus élevés en dignité. Il fit servir des mets différents aux chrétiens et aux païens, mais de tout avec profusion, ainsi le voulait ce roi sage. Le reste de leur suite mangea dans son logement. On avait mis près d'eux des serviteurs qui devaient leur fournir des mets avec empressement. Bientôt, cette hospitalité et cette joie furent remplacées par des gémissements. Comme on ne pouvait autrement provoquer le combat, Kriemhild, son ancienne douleur était toujours là au fond de son âme, fit porter à table le fils d'Etzel. Comment, pour se venger, une femme pourrait-elle agir plus cruellement? Voici venir aussitôt quatre hommes liges d'Etzel. Ils portèrent Ortlieb, le jeune prince, à la table du roi, où Hagen était également assis. L'enfant devait mourir sous les coups de sa haine mortelle. Quand le roi vit son fils, il parla affectueusement aux parents de sa femme. « Voyez, mes amis, c'est mon fils unique, celui de votre sœur. Aussi, tous, vous serez bons pour lui. S'il se développe en raison de son origine, il deviendra un homme hardi, puissant et très noble, fort et bien fait. Si je vis encore quelque temps, je lui donnerai 12 royaumes, et alors la main du jeune Ortlieb pourra bien vous servir. C'est pourquoi, je vous en prie, mes chers amis, quand vous retournerez vers le Rhin, emmenez avec vous le fils de votre sœur et agissez avec affection envers cet enfant. Élevez-le dans des idées d'honneur jusqu'à ce qu'il devienne homme. Et si quelqu'un en votre pays vous a offensé, il vous aidera à vous venger quand ses forces seront venues. » Kriemhild, la femme du roi Etzel, entendit ce discours. « Oui, ces guerriers pourront se confier à lui, » dit Hagen, « s'il atteint l'âge d'homme, mais ce jeune roi est prédestiné à périr vite. On me verra rarement aller à la cour d'Ortlieb. » Le roi fixa les yeux sur Hagen. Ce discours l'affligeait. Le noble prince ne répondit rien, mais ses paroles troublèrent son âme et assombrirent son humeur. Les intentions de Hagen ne s'accordaient pas avec ses divertissements. Ce que Hagen avait dit de l'enfant affligea tous les chefs, ainsi que le roi. Ils étaient mécontents de devoir le supporter. Ils ignoraient ce que devait faire bientôt ce guerrier. Beaucoup de ceux qui l'entendirent étaient si irrités qu'ils auraient voulu l'attaquer à l'instant. Le roi lui-même l'eût fait si son honneur le lui eût permis. Il était poussé à bout. Mais bientôt Hagen fit plus encore. Il tua l'enfant sous ses yeux.